kama qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Vous qui avez cru qu'il y a Allah et soyez avec le véridique. Le musulman doit être véridique. Donc là, il apprend à l'enfant à être véridique. Car c'est une tristesse, une chose qui est consternante, mais une réalité, que les enfants mentent énormément. Les enfants mentent énormément. Et là, c'est un tambih qu'on fait. Par rapport à ces mensonges que les enfants peuvent faire. C'est pour les pères et les mères de rester équitables. Et de toujours se rendre compte qu'il parle à l'enfant. Si demain un enfant vient te voir et te dit qu'un tel et un tel m'a fait telle chose, ne pas se précipiter à aller s'en prendre à un tel et un tel ou aux parents de un tel et un tel et de bien vérifier la situation comment elle s'est passée. Car les enfants ne vont rarement, il est même wafakahullah, dire les choses clairement. On va dire un tel m'a frappé. C'est tout ce qu'il va te dire. Mais ce qu'il va te dire qu'avant d'être frappé, il l'a insulté ou il a fait quelque chose qui a amené à ce que l'autre le frappe. Ils vont pas le dire. Et malheureusement, des parents sont pris de Hamas et de fougue. Ils ne sont pas équitables. Dès que leurs enfants sont touchés dans quelque chose, ils les défendent automatiquement. Et leurs enfants n'ont jamais rien fait. Et ça, c'est une erreur. Une très grave erreur. Et ça a amené à beaucoup de conflits entre les adultes. Ça a commencé entre une bagarre enfantine, entre un enfant et un autre enfant. Ça a amené jusqu'au conflit entre les parents. Et ça, ce n'est pas normal. Les parents, c'est des roukala. Les parents, ils sont réfléchis. Surtout les pères. Car les gens qui sont amenés à beaucoup à s'exposer à ce genre de situation sont les mères. Car les mères sont prises d'affection pour leurs enfants. Donc, sont amenées à défendre leurs enfants. Donc, à ce moment-là, les pères doivent faire attention. Et les pères connaissent bien leurs enfants. Et sont plus éveillés que les mères quant aux réactions mauvaises que les enfants peuvent avoir. Ne pas se précipiter à mettre un jugement et à créer un conflit pour les enfants. Toujours essayer de rassurer et d'arranger et de réparer. Ne jamais oublier que ce sont des enfants. Ce ne sont pas des adultes. Donc, il n'y a pas lieu de rentrer en conflit, de faire des guerres, des disputes, et peut-être même aller ne plus se parler à cause d'une dispute enfantile. Non. On fait attention à cela. Quand ton enfant vient et qu'il lui avait quelque chose, enquête bien, rassure-toi bien comment la chose s'est-elle faite. Et si jamais tu arrives à un stade où il n'y a plus de résultat, que un dit ce n'est pas moi et l'autre dit ce n'est pas moi, et que tu n'as pas le moyen de savoir la vérité, alors ça ne sert à rien de faire tout un drame. Laissez les choses couler et Allah, il est témoin de toute chose. Allah est témoin de toute chose. Ce sont des enfants. Ne jamais oublier, ce sont des enfants. Et les enfants sont amenés à se disputer, à se chamailler, à se jalouser, à vouloir prendre le dessus l'un sur l'autre, et à mentir, et à jouer. Et quand ils jouent, ils cassent, ils détériorent. Et quand on dit qui a fait ça, personne ne dit. Personne ne reconnaît. Ce qui est très souvent, ce qui est très fréquent chez tous les enfants, malheureusement. Donc, sobre, ne pas être laxiste, faire attention, les éduquer, mais que cela n'amène pas à des débordements non plus. Non. Donc, apprendre à l'enfant depuis petit à ne pas mentir. Et lui apprendre la gravité du mensonge.